ne sais pas pourquoi les années ont changé. Je t'avais demandé si tu vas le salon droit. Les fleurs s'en sont fanées sous les gouttes de pluie. Les feuilles se sont cachées, les oiseaux sont partis. Pourquoi, mais pourquoi tout ce temps passé à tourner rond sans pouvoir se parler? Pourquoi, mais pourquoi tu as tout changé? Les murs du salon, le reflet du papier. Je ne le savais pas quand nous étions là-bas, au bal des petits pas, des amours d'autrefois. Près de la cheminée, on se parlait tout bas, le verre de l'amitié qu'on buvait toi et moi. Pourquoi, mais pourquoi tout ce temps passé à tourner rond sans pouvoir se parler? Pourquoi, mais pourquoi tu as tout changé? Les murs du salon, le reflet du papier. Ne me demande pas si le soleil est là, tu ne me croirais pas sous le bout de tes doigts. Je ne sais pas encore, après tous ces accords, de l'accordéoniste ou bien du guitariste. Hey! Pourquoi, mais pourquoi tout ce temps passé à tourner rond sans pouvoir se parler? Pourquoi, mais pourquoi tu as tout changé? Les murs du salon, le reflet du papier. Pourquoi, mais pourquoi tout ce temps passé à tourner rond sans pouvoir se parler? Pourquoi, mais pourquoi tu as tout changé? Les murs du salon, le reflet du papier. Pourquoi tout ce temps passé à tourner rond sans pouvoir se parler? Pourquoi, mais pourquoi tu as tout changé? Les murs du salon, le reflet.